4 peu de sortie. J'étais à l'homme pour son pont du lundi. Ce soir je suis pas de sortie. Je vais jouer les fous les bandits. Elle pense qu'il y aura une suite. Elle finira son côté passager. Ma vie s'arrête pas à un stop. Je m'arrête au feu rouge pour me soulager. Hey, je suis dans le vaisseau mère. Je suis dans le vaisseau mère. Je suis dans le vaisseau mère. Je suis dans le vaisseau mère. Je peux pas bouger du vaisseau mère. Je suis trop à l'aise dans le vaisseau mère. Dormir dans le vaisseau mère. Je suis dans le vaisseau mère. Le secteur est trop miné, je démarre le vaisseau, je veux faire un tour. Je m'arrête à côté des Schmitt, mais je pense pas qu'ils ont envie de faire la course. Je leur regarde un air innocent, en 3 secondes je passe de 0 à 100. C'est Dieu qui donne, tu peux pas dire que j'ai de la chance. Comme mon Brolic, le vaisseau est toute option. Si tu veux je te laisse faire un tour, mais faut que tu roules avec précaution. J'suis né mignon, la rue a fait de moi un mauvais garçon. La juge est au bout du fil, les poissons ne mordent pas dans son hameçon. On a toujours les mêmes problèmes, il faut que je me change les idées. Je vais faire un peu de boucan sur l'avenue des Champs-Élysées. J'tape sur les doigts, les négros sont déguisés. Dis-moi est-ce que t'es sûr de toi, faut savoir où tu dois viser. La deux places dans la go, mais tu nous vois rouler à quatre. On fait les défenseurs, les keufs nous font des attaques. La deux places dans la go, mais tu nous vois rouler à quatre. On fait les défenseurs, les keufs nous font des attaques. Un peu de sortie, j'suis à l'homme à fond sous le pont du lundi. Ce soir je suis pas de sortie, je vais jouer les fous les bandits. Elle pense qu'il y aura une suite, elle finira son côté passager. Ma vie s'arrête pas à un stop, m'arrête au feu rouge pour me soulager. Hey, j'suis dans le vaisseau mère. J'suis dans le vaisseau mère, j'suis dans le vaisseau mère, j'suis dans le vaisseau mère. J'peux pas bouger du vaisseau mère, j'suis trop à l'aise dans le vaisseau mère. Dormir dans le vaisseau mère, j'suis dans le vaisseau mère. J'accélère, écoute les faisceaux sonores. Crois qu'on finira dans une suite, tout se passera pas dans les normes. Si tu me jettes l'œil, que j'ai du CO2. J'vois un rayon qui a pas de chez moi, monte en haut CO2. Je suis dans le sommet, je suis dans le sommet. Je suis pas sur terrain, j'arriverai dans le temps additionnel. Je suis pas sur la planche, la drogue sur les mains. Jour de criminel, la deux places dans la go. Tu nous vois rouler à quatre. On fait les défenseurs, les keufs nous font des attaques. Y'a deux places dans la go, mais tu nous vois rouler à quatre. On fait les défenseurs, les keufs nous font des attaques. Un peu de sortie, j'suis à l'homme à fond sous le pont du lundi. Ce soir je suis pas de sortie, je vais jouer les fous les bandits. Elle pense qu'il y aura une suite, elle finira son côté passager. Ma vie s'arrête pas à un stop, j'm'arrête au feu rouge pour me soulager. Hey,